vague vaguement s'écraser sur la plage abandonnée. Quelques coquillages aussi, quelques crustacés. N'ayons pas peur des mots. Plage à bon. On the beach, on the beach, on the beach. Quelques coquillages, quelques crustacés. On est loin, on est loin. On est loin, on est loin, on est loin. On est loin de la spiritualité. Exiger. Certains niveaux pour accéder à une ninja session. Able to listen. Able to make noise. Just want to share. About to listen, about to love. Le Mistral me gagne, me rattrape, le salaud. Contre le vent, mauvais, ne saurait imaginer une contre-offensive aussi puissante que les mots. Essayons. Essayant de placer des sons. Nous sommes plutôt en situation de poser des sons. En possession des outils nécessaires. Posé. certains l'appellent. Une musique thérapie aussi. Céleste, improbable, sa pointe, inattendue, qui pousse vers l'inconnu. Projet. Everything in this right place, in this right place, like my grandma said, everything, everything in this, in its right place, in its right place. Chaque chose en sa place. Place sa chose. Dans une cosmogonie bien organisée. Everything. Illusion contre sensation. Forcément, ça frotte, ça crée des désillusions. This planet, the same question, yeah, everything. And it's right, please. And it's right, yeah. Thank you. Everything is in its right place. When you are able to accept everything is not is in its right place. You. You and me. Guess. Us and them. Everybody, thank you very much for this session. Oh yes, it's a cool name, jam session. Yeah, experiment like a love. Repeat, we create. It's easier on this. Ninja session. We explore, we experiment. Create a situation. Yes, we can say we are ninjamas. Comme d'autres, ont dit qu'ils étaient des riders understorm. Comme d'autres, ils ont dit d'autres avaient dit il y a longtemps, c'est un long temps, on était mieux. Déroulement. Quand les notes deviennent célestes. Ça fait du bien, merci.